Regarde un peu dehors, les gosses pour une bille se kill. C'est du sky comme en Écosse et ça raconte à la Billy de Kid. Ça promet pas, les gamines jouent les darons. Ça craint comme habiter à Gaza pour un Ariel Sharon. J'sais pas où on va car ça parle que de barre au départ. Dans la rue les bêtes blessées font l'affaire des gros départs. Ça fait longtemps que ça part en vrille mais on s'en tape. Maintenant je me donne à fond dans le rap pour que mon son claque. L'avenir est flou et les barrières dures à franchir. C'est la crise, l'euro et les dollars sont durs à blanchir. Donc le travail ne paye pas, certains deviennent trafiquants et rappliquants. Voitures de sport deviennent des experts pratiquants. La police aux aguets laisse courir les pédophiles. Le commissaire tease, son haleine sent pas la chlorophylle. Il nous matraque le cerveau, l'état nous manipule. Cette fois préparez les verres d'eau car mon rap pue la canicule. Vous voulez nous faire tomber, mais c'est vous qu'faut condamner. Les hommes politiques de merde de jour en jour nous font caler. Au fait c'est pas moi c'est vous, la grosse carnage du siècle. Faudra pas être surpris quand la sanction tombera du ciel. Difficile d'avancer, tes amis te font des crasses. Pour réussir on t'écrase, tu sens la rage dans mes phrases. Faut se taire, la confiance se perd, plus de confidence. T'as des potes quand t'as du pèse, tiens, quelle coïncidence. Ici ça pardonne pas, sois prudent, t'es naïf, ils me haïssent. Car mes propos font du bruit comme un caïd. Moi je reste le même, j'avance sans trop me la raconter. De toute façon j'ai pas les moyens, mes blèmes pros sont trop durs à compter. Trop de choses dans la tête, mon écriture sert de thérapie. Ta vie est un long fleuve tranquille, moi je me noie dans les rapides. Je voudrais souffler, donnez-moi l'occasion. Chez moi ça va pas, croire que la poisse est en colocation. Ça fout la rage, 2006 y'a encore des sans-abri. Et les fils à papa kiffent les objets seulement quand ça brille. On se plaint et qu'est-ce qu'on devrait dire des gosses de Rio. Tombe de CEO, comment réussir avec brio. On donne tout ce qu'on a, dans le sport ou le RAP. Préfère un disque d'or puisque c'est dur de taffer avec un CAP. De jour en jour j'apprends, parfois de manière agaçante. Obligé de me défouler sur des instrus fracassants. Regarde les infos, tu verras ce qui empire. Si l'argent était du sang, alors les gens seraient des vampires. L'argent, les femmes et les armes, ça plaît trop aux hommes. Désormais les nouveau-nés ont du vice dans les chromosomes. Pour la cocaïne, les gros caïds aspergent les flics d'essence. Tirent sur des gosses, soi-disant légitime défense. Les jeunes traînent en bande ou armés sous le polo. Les couteaux sortis pour un regard si t'es solo. Beaucoup de faux révolutionnaires à la Che Guevara qui devraient se taire et idem pour Hélène Segarra. Moi je m'attarde pas, il paraît que la gloire m'attend. Je me contente d'avancer seul sans écouter les charlatans. Bienvenue dans un monde où règne hypocrisie. C'est la crise ici et pour se faire entendre c'est pas easy. Je travaille dur mon rap pour être reconnu comme un artisan. Mais je veux pas que tout le monde en parle comme chez Thierry Ardisson. On tente de sauver le hip-hop pendant qu'il agonise. Mais au lieu de s'entraider tous les rappeurs entre s'atomisent. On avance pas en recul et les sujets puent la défaite. Écoute ma voix et tant pis pour moi si tu la détestes. Apparemment ça plaît, beaucoup d'MC veulent me copier. Veulent me voir couler dans la scène avec une brique au pied. Rien qu'on part de nos bises, nos vies, nos teases, nos vices. On rêve de s'en sortir mais on a perdu la notice. Nos darons pleurent pour demain et pensent à notre avenir. On a beau leur faire des promesses, celles-ci sont dures à tenir. Chez nous ça grouille de flics, on esquive les patrouilles. Le fric n'est jamais là, il s'est barré en vadrouille. Impossible de monter, ils ont stylé les barreaux de l'échelle. Mais t'inquiète, dès que c'est réparé, on se barre aux échelles. Si les gens sont trop durs à cerner, travaille ton odorat. Un diplôme dans l'école de la vie vaut mieux qu'un doctorat. On se méfie des mecs à la Sarko qui jouent les justiciers. On fait des choses sans réfléchir, sans pouvoir les justifier. On finira par tenir, mes textes finiront par te plaire. 3 minutes pour convaincre avec la rage de vaincre comme partenaire.